c'est encore moi. Lundi matin, je me réveille, fatigué jusqu'aux orteils. J'ai mal dormi, mais bon, ça va. Des fois, je dors mieux, mais c'est pas grave. Ma mère me voit, bonjour Tony. Elle me raconte une blague de Tex. Il y a du sucre dans mon pipi, alors j'urine dans mes cornflakes. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Hey, hey, hey. Et allez, ça continue. Lundi soir, je me recouche, et j'ai fait caca dans la douche. J'envoie un dernier SMS, je me touche en pensant à ses fesses. Toute la nuit, je rêve encore d'elle. Elle est mon âme et mon envie. Elle est la veilleuse de mes nuits, et je l'aime comme Lara Fabian. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Hey, hey, hey. Et allez, sous l'eau. Mardi matin, je me réveille, et c'est la même chose que la veille, car mes journées sont toutes pareilles, et la confiture de groseille. Je sais pas si ça valait la peine d'écrire une chanson aussi vite. Je l'ai écrite en attendant le bus, ça fera toujours une chanson en plus. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas. Et je pense à toi, et je pleure tout bas.